Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal dont voici tout de suite les grands titres. Quatre élèves du lycée communal Tchangouzo sont en prison et quatre autres du lycée communal Ndava, toujours à Tchangouzo, sont sous interrogatoire. Leur faute, avoir gribouillé sur la photo du président de la République dans leur manuel scolaire. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi condamne le trafic des enfants et réaffirme sa préoccupation par rapport à la situation des enfants de la rue. Une trentaine de Burundais refoulés du Rwanda et de la Tanzanie restent gardés au centre pour jeunes de Muyinga. Et cela depuis mardi soir. La police dit qu'elle procède encore à leur identification. Alors que la France a accordé ce jeudi un don d'1 million d'euros au programme alimentaire mondial au Burundi, cet argent servira à assister 60 000 personnes affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à Karusi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir, quatre élèves du lycée communal Tchangouzo sont emprisonnés et quatre autres du lycée communal Ndava, toujours à Tchangouzo, sont sous interrogatoire. Tous sont accusés d'avoir falsifié la photo du président de la République dans leur manuel scolaire. Les directeurs de ces établissements expliquent que ces élèves ont été dénoncés par leurs camarades. Le point avec notre correspondant Jean-Claude Nshimirimana. Sur les quatre élèves de la 9e année au lycée communal Tchangouzo retenu, une fille est incarcérée au cachot du parc Tchangouzo et trois garçons se trouvent au cachot du commissariat de la police selon des informations recueillies à Tchangouzo. Le premier a été arrêté ce mardi par le procureur de la République à Tchangouzo qui s'était rendu au dit établissement scolaire en compagnie du commissaire provincial de la police et du chargé du service de renseignement dans cette province. Trois autres ont été arrêtés étant à l'école ce mercredi, également par le procureur de la République à Tchangouzo. Le directeur du lycée communal de Tchangouzo dit que ces élèves sont sous interrogatoire parce qu'ils ont été dénoncés par d'autres élèves par méthode écrite de sondage, que ce sont eux qui ont endommagé la photo du président de la République dans 17 livres de la 8e année. Dans la même ville, au lycée Ndava, la même photo a été falsifiée dans 14 manuels scolaires. Le directeur de cet établissement scolaire dit que les enquêtes sont en cours essentiellement sur trois élèves dénoncés par leur père en vue de pouvoir identifier les auteurs de cette falsification. Nous avons voulu en savoir plus sur les investigations faites par le parquet Tchangouzo, mais le procureur de la République nous a dit qu'il n'est pas autorisé à s'exprimer sur les médias. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. C'est la Journée mondiale de l'enfant africain et la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, se dit préoccupée par la situation actuelle des droits de l'enfant au Burundi. Le président de cette fédération condamne le trafic des enfants devenu monnaie courante, ainsi que les effectifs des enfants de la rue qui ne cessent de s'accroître. Maître Jacques Nshimirimana, président de la FENADEB, l'a dit ce 16 juin à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain. Au point avec Evariste Nzikobanyanga. La fédération FENADEB indique que les droits de l'enfant au Burundi se détériorent du jour au jour. Dans une conférence de presse animée ce 16 juin dédiée à l'enfant africain, Maître Jacques Nshimirimana, président de la FENADEB, s'insurge contre le trafic des enfants, surtout des filles, qui est d'actualité ces derniers jours et dénoncé par plus d'un. Son militant en faveur des droits de l'enfant demande l'éradication de ce phénomène. Quand on parle de trafic des enfants, ce sont des enfants qui ne sont pas autorisés, si vous voulez bien, à dépasser les frontières du pays sans l'autorisation spéciale des parents ou sans toutefois être accompagné par les parents. Mais les filles dont on parle ces derniers jours, ce sont des filles, certaines qui sont majeures et d'autres qui sont mineures, mais qu'on falsifie leurs documents administratifs. Et c'est ce qui fait beaucoup d'équivoques aujourd'hui sur ce sujet, parce que quand on parle de déplacements massifs, c'est vrai, ce sont des déplacements très inquiétant. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la FENADEB a sorti un communiqué où nous avons recommandé au gouvernement d'arrêter immédiatement, sans délai, ces déplacements massifs. Et surtout que personne parmi nos autorités ne veut pas assumer la responsabilité. Fenadeb est aussi préoccupé par les effectifs des enfants de la rue qui ne cessent de s'accroître. Maître Jacques Chimirimana demande au gouvernement de mettre en place une politique claire de réintégration sociale de ces enfants de la rue. En commençant par le découragement de la mendicité. Parce que la mendicité, c'est vrai, elle n'est pas réprimée par la loi pénale burundaise, mais nous allons au moins essayer de décourager la mendicité. Ces gens-là qui louent les enfants, qui les amènent dans les rues, ces gens-là qui donnent de l'argent aux enfants passants en croyant qu'ils font de bonnes choses, alors que l'enfant qui gagne 10 000 francs par jour va retourner dans sa communauté et recruter une dizaine d'enfants pour venir ensemble avec lui, gagner facilement de l'argent. Donc tout cela, c'est un comportement que nous allons décourager. Et nous avons recommandé au gouvernement du Burundi sur ce sujet de rendre obligatoire l'enseignement primaire, parce que jusqu'à présent, l'enseignement primaire au Burundi n'est pas obligatoire, elle est gratuite. Et aussi longtemps que les familles auront le choix de dire, voilà, j'envoie 5 enfants à l'école, les autres vont rester à la maison, j'envoie 2, 3 vont aller dans les rues, le phénomène va persister. Fenadeb plaide aussi pour la libération des écoliers qui sont sous les verrous pour avoir falsifié les photos du chef de l'État qui sont sur leur manuel scolaire, ce qui pourra aider d'autres enfants à ne pas commettre cette infraction. Merci Évariste. Précisons que la journée de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour le droit à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid. C'était le 16 juin 1976. Dans l'actualité africaine, c'est aussi cette macabre découverte au Niger de 34 migrants, dont 20 enfants, qui espéraient une vie meilleure, mais retrouvés morts dans le désert. Ils sont probablement morts de soif. Le ministère nigérien indique que les victimes sont 5 hommes, 9 femmes et surtout 20 enfants. Selon toute vraisemblance, ces personnes ont été abandonnées par leurs passeurs il y a une semaine de cela. Lui, il croupit à l'hôpital Roi Khaled. Cette date donc du 16 juin intervient au moment où un jeune garçon du nom de Sawushimi Kejid se trouve dans des conditions difficiles. Il est hospitalisé à l'hôpital Roi Khaled depuis bientôt 7 ans à cause d'une fracture au niveau de la colonne vertébrale. Il doit aller se faire soigner à l'étranger, mais sa famille manque de moyens pour cela. Les détails avec Francine Diokugayo qui l'a rencontré sur son lit d'hôpital au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Dans la souffrance et la fatigue, il remercie toujours le bon Dieu. Egide Sabushimike est un garçon d'une vingtaine d'années. Il est originaire de Matana, d'une famille de 5 enfants. Il est tombé dans un avocatier et s'est brisé au niveau de la colonne vertébrale. Il va faire bientôt 7 ans alité à l'hôpital Roi Khaled. Il ne peut plus marcher et se déplace en chaise roulante. Je l'ai rencontré dans sa chambre 304 où il vit depuis. À la première vue, on croirait une personne bien portante, mais la réalité est tout autre. Hakizimana Jean-Marie est son grand frère. Il nous a dit qu'ils doivent le faire soigner à l'étranger. Il a été traumatisé de sa colonne vertébrale et depuis ce temps, il a été acheminé ici, à l'hôpital Roi Khaled. On a pu faire ce qu'on pouvait faire, mais le problème principal qu'il avait n'a pas pu trouver de solution. Après, on lui a donné une commission pour aller se faire soigner à l'étranger. Les frais pour les soins étaient énormes. La famille n'a pas pu trouver ça, autour de 25 millions. Pour aller en France, quelqu'un qui avait promis de l'accueillir, il a promis qu'il allait nous demander une place en Inde. Le travail de garde malade n'était pas facile pour le grand frère les premières années de la maladie, puisqu'il a été obligé d'interrompre ses études. Les premiers moments étaient vraiment difficiles. Moi, j'ai dû interrompre mes études pendant un certain nombre d'années parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mais après environ 3 ans, 4 ans, j'ai pu reprendre mes études. Mais vraiment, nous avons bénéficié de personnes de bon cœur qui ont contribué directement ou indirectement pour que notre frère vraiment puisse arriver jusqu'à cette heure. Egide Sabushimike ne reçoit plus les soins. Cela va faire bientôt 2 mois. Son grand frère explique que le ministère de la Solidarité Nationale qui le prenait en charge a interrompu son assistance. L'hôpital jusqu'à présent ne fait rien pour notre frère parce que le ministère de la Solidarité qui se chargeait des soins de santé de notre frère ne s'occupe plus de lui. Il a dit qu'il ne peut plus faire ça il y a 2 mois environ. Avoir son état de santé, il se déplace dans une chaise roulante, il a une sonde de vésicule abdominale. De temps en temps, il a des infections urinaires. Vraiment, il n'est pas encore guéri. L'attestation médicale pour des soins spécialisés à l'étranger date de 2 ans, mais faute de moyens, Egide Sabouchimike reste toujours à l'hôpital Roi Khaled. Sa famille demande à toute âme charitable de lui venir en aide. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Persistance de pénurie de sucre en mairie de Bujumbura dans quelques boutiques où ce produit est disponible. Il s'achète à un prix variant entre 3 000 et 4 000 francs burundais. D'autres vendeurs préfèrent le vendre par cuillère à 100 francs. Mais nous avons appris que la campagne de production du sucre par la société sucrière du Mosso pour cette saison a commencé hier. Oban Nyonguru a fait le tour de quelques points de vente. Sur 5 points de vente visités de la zone Giza en commune Mukaza, un seul disposait ce produit. Là aussi, c'est à 3 000 francs le kilogramme. Ici, le vendeur nous a signifié qu'il s'est approvisionné à 2 800 francs par kilogramme. Dans 2 autres points de vente visités, les vendeurs écoulent la petite quantité qu'ils disposent à 100 francs par cuillère. Dans certaines boutiques du quartier Mutanga Sud, le sucre se vend à 4 000 francs pour le kilogramme. Depuis près d'un mois, ce produit est quasi introuvable selon ces commerçants qui se réservaient même de dire d'où ils s'approvisionnent la petite quantité qu'ils disposent. Néanmoins, ils dénoncent les magouilles de certains grossistes qui écrivent sur les factures une somme de 85 000 francs le sac alors qu'ils payent plus de 100 000 francs. Ce mercredi à Gitega, le ministre de l'Intérieur a annoncé une prochaine réduction du nombre de grossistes pour mieux contrôler la redistribution du sucre. Et la société sucrière de Mosso précise que la campagne de production a débuté ce mercredi 15 juin. Merci Aubin. Et d'après le directeur général de la Sosumo que nous avons eu au téléphone à la mi-journée, les premiers sacs de sucre produits par la Sosumo depuis hier devraient être disponibles dans les stocks de la Sosumo. La France a accordé via son ambassade de Bujumbura un don d'un million d'euros au programme alimentaire mondial de Burundi. Le directeur et représentant du PAM Burundi a indiqué ce jeudi que ce don servira à assister à environ 60 000 personnes affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à Karuzi. Jacques Roy a expliqué que ces personnes bénéficieront de l'argent après avoir effectué des travaux comme la lutte contre l'érosion, la réhabilitation des pistes rurales. Suivez Jacques Roy. La province de Karuzi a été ciblée sur base des résultats de l'analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité de 2014 et des résultats d'une analyse de sécurité alimentaire en situation d'urgence d'avril 2016 qui l'ont classée parmi les provinces les plus touchées par l'insécurité alimentaire. En plus, c'est une des provinces où le taux de malnutrition chronique est le plus élevé du pays, soit 53,9% contre une moyenne nationale déjà très élevée de 49,6%. Avec la contribution de la France, le PAM compte appuyer des activités d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi de renforcement de la résilience des ménages pauvres et des communautés vulnérables aux chocs climatiques dans 5 des 7 communes de la province. Les activités prévues comprennent notamment l'entretien et la restauration de la fertilité des sols et la lutte contre l'érosion, la construction de systèmes d'irrigation à petite échelle, la création et la gestion de pépinières, la réhabilitation de pistes rurales, l'équipement en outils et intrants, l'amélioration de l'accès aux denrées alimentaires pour les ménages vulnérables par le biais de transferts monétaires conditionnels, la promotion de bonnes pratiques d'alimentation et du nourrisson et du jeune enfant à travers l'approche de groupe de soins de santé maternelle, ainsi que le renforcement des capacités des prestataires et volontaires communautaires de santé. En vue de connecter les bénéficiaires au marché et à renforcer l'économie locale, les plus vulnérables bénéficieront de transferts monétaires leur permettant d'obtenir des denrées alimentaires. 12 000 ménages vulnérables, soit environ 60 000 bénéficiaires, bénéficieront du projet sur une période de 8 mois. Les ménages ciblés seront ceux ayant en leur sein des enfants âgés de moins de 2 ans et des femmes enceintes et allaitantes. Une autre contribution de la France de 500 000 euros avait été octroyée au PAM en septembre 2015 pour assister les personnes les plus vulnérables de la province de Kirundo, dont l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avait été aggravée par la situation socio-politique du pays en cours. Nouvelle de Provence, à présent, un corps sans vie d'une femme a été retrouvée hier soir au quartier Yoba de la commune provence Gitega. Les membres de sa famille disent que les ravisseurs l'ont d'abord violée avant de la tuer. Il demande à la police de mener des enquêtes le plus tôt possible pour que ces malfaiteurs soient connus et punis conformément à la loi. Et 38 personnes refoulées du Rwanda et de la Tanzanie sont gardées au centre pour jeunes de Muyinga depuis mardi soir. La police indique faire l'identification complète avant leur probable relaxation. Correspondance de Dieudonné Zeyman. Parmi les hommes internés au centre pour jeunes de Muyinga, 6 y sont arrivés mercredi en provenance de la commune Gitarani. C'est le groupe des refoulés à partir du Rwanda. Dans ce centre, ils y ont rencontré d'autres refoulés, cette fois-ci de la Tanzanie, dont 11 qui ont d'ailleurs séjourné pendant 6 mois dans des cachots de son pays voisin. En Tanzanie, ils étaient emprisonnés pour immigration clandestine. Arrivés au Burundi, ils croyaient enfin être libres dans leur pays natal, mais ils restent privés de liberté. Les administratifs et policiers font des identifications. On doit se rassurer au préalable que ce ne sont pas des malfaiteurs à vie des policiers. Au début de ce mois, plus de 100 jeunes ont été arrêtés à leur arrivée au Burundi en provenance de la Tanzanie. Même si dans l'ensemble, ils affirmaient être partis en Tanzanie travailler dans des plantations de tabac, une vingtaine d'entre eux ont été transférés à la prison de Muyinga, poursuivis cette fois-ci pour participation au banc des armées. Dieudonné Zeyimana, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Dans la province voisine de Ngozi, 104 jeunes volontaires diplômés mais sans emploi ont reçu des certificats ce jeudi à Ngozi après une année de volontariat dans différents services des provinces Gitega, Ngozi et Bujumbura. Le ministère ayant en charge de la jeunesse compte continuer l'encadrement de ces jeunes pour ne pas gâcher l'expérience acquise durant cette année de volontariat, comme l'indique la directrice nationale du programme de volontariat des jeunes, Apollinaire Muzagara. Les 104 jeunes volontaires qui ont reçu des certificats sont des ressortissants des provinces Gitega, Ngozi et Bujumbura rural. Ils sont composés des lauréats d'université et des humanités générales et techniques. Les jeunes diplômés chômeurs venaient de passer 12 mois de volontariat dans différents services œuvrant dans ces trois provinces pour acquérir de l'expérience. En plus de cela, les jeunes volontaires bénéficiaient des séances de renforcement des capacités dans différents domaines en vue de s'autocréer des projets générateurs d'ordre. Durant cette année de volontariat, ils recevaient 55 000 francs par mois et par individu de la part du ministère de la Jeunesse, appuyé par le PNUD et le programme de volontariat des Nations Unies. 5 000 francs vous étaient réservés à l'épargne pour créer un petit projet. C'est dans ce cadre que ces jeunes issus de la province Ngozi ont déjà mis en place un salon de coiffure et un élevage de 50 porcs distribués dans différents ménages. Certains de ces jeunes ont été embauchés par les services dans lesquels ils avaient presté comme volontaires. La directrice du programme national de volontariat des jeunes annonce que ces jeunes seront toujours encadrés par le ministère de la Jeunesse avec l'appui du PNUD et du programme de volontariat des Nations Unies. Et au total, 300 jeunes issus des trois provinces sont concernés par ce projet. Les 104 ne constituent que la première promotion d'Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sangani. Et pour terminer ce journal, les effectifs des personnes qui se présentent à la vaccination pour certains indicateurs sont encore réduits en province Mwaro. Au moment où la première phase de la semaine dédiée à la santé de la mère et de l'enfant, édition 2016, est prévue la semaine prochaine, les autorités administratives et les responsables du secteur de la santé dans cette province demandent le concours de toutes les personnes concernées pour augmenter ses effectifs. Laurent Dicourillo. La première phase de la semaine dédiée à la santé de la mère et de l'enfant, édition 2016, est prévue du 20 juin au 23 juin 2016. Selon les informations fournies par les responsables du secteur de la santé à Mwaro, les enfants âgés de 6 à 5 à 9 mois vont recevoir la supplémentation en vitamine A. Les enfants âgés de 1 à 14 ans seront déparasités à l'albendazole, tout comme les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse. En plus, les enfants âgés de 18 à 23 mois recevront la deuxième dose du vaccin contre la rougeole. Les effectifs des enfants qui reçoivent ces vaccins sont encore très réduits dans cette province. Selon les données de la campagne précédente de novembre 2015, pour la deuxième dose du vaccin contre la rougeole, au district de Kibumbu, on a atteint 53,5%, alors que l'objectif était d'atteindre 80% des enfants. Au centre de santé Gatwe de la commune Kayokwe, ils ont atteint 37% et 10% au centre de santé Rutiazo de la même commune. Pour le vaccins donnés à la naissance, communément appelé BCG, au centre de santé Lusaka, 39% des enfants attendus ont été vaccinés, 34% au centre de santé Gisozi au cours de la campagne de novembre 2015. Parmi les défis signalés par les responsables de la santé en province Moaro, il y a certains sites qui sont inaccessibles suite au mauvais état de certaines pistes, le chevauchement avec d'autres activités comme les réunions et l'accueil édité, certains chefs de colline qui se présentent sur les sites de vaccination au lieu d'aller sensibiliser dans la communauté, ainsi que le carburant qui est insuffisant si 15 litres étant prévu par jour au cours de la prochaine campagne de vaccination. Dr Nicolas Nitunga, médecin provincial à Moaro et le conseil principal du gouverneur de la province de Moaro, Léon Squizera, demande aux autorités administratives, les responsables de l'éducation et de la santé, ainsi qu'aux confessions religieuses, de mobiliser le plus possible la population de leur ressort pour relever ce défi. Signalons que cette semaine dédiée à la santé de la mère et de l'enfant sera lancée lundi en commune Musigati de la province Bubanza. De Moaro, Laurent Dicurio, Radio Isanganiro. Merci Laurent, c'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, une bonne soirée chez vous.